50 languages. 94. 94. 94. أدوات الربط. رقم واحد. Conjonction 1. Conjonction 1. انتظر حتى يتوقف المطر. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. انتظر حتى أصبح جاهزا. Attends que je termine. Attends que je termine. انتظر حتى يعود. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. سأنتظر حتى يجف شعري. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. سأنتظر حتى ينتهي الفيلم. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. سأنتظر حتى تصبح الإشارة خضراء. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. متى ستسافر في إجازة؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? قبل أن تبدأ العطلة الصيفية. Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? نعم، قبل بداية العطلة الصيفية. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. أصلح السقف قبل أن يأتي الشتاء. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. اغلق النافذة قبل أن تخرج. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. متى ستأتي إلى البيت؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? بعد الدرس. Après le cours? Après le cours? نعم، بعد انتهاء الدرس. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بعد أن تعرض لحادث لم يعد قادرا على العمل. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد أن خسر عمله سافر إلى أمريكا. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد أن سافر إلى أمريكا أصبح غنيا. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.